moyen de faire de l'oseille. Beaucoup de raisons de perdre le sommeil. L'horloge biologique se dérègle quand on rêve de sommet. De Porsche Cayenne, de fin gourmet, de grosses gourmettes. On veut tout le jour même. Bellec au balance en bas des tourelles. La gare des filles est débordée par les bouteilles. Nos lignes de vie finiront toutes raides. M'amène, même dans le 16 y'a des poubelles. Au début la vie est toujours toute belle. Avant tempête, y'a toujours gouttelette. Avant guette-mère, y'a toujours doublette. Avant je te hais, y'a toujours je t'aime. Encore je t'aime, ensuite je te crève. Que tous les flics de France niquent leur mère. Que tous les juges de France niquent leur m'amène. Pour certains c'est le carême. La rue la nuit peut devenir casse-tête. Et dissimule sachet de bœuf, plaquette, capuche, casquette, pattes strassées, paillettes. Elle voit grandir les futurs Scarface. Elle est sa terre, les hommes les plus faibles. Fabuleuse, elle est fabuleuse, elle est fabuleuse. La rue est fabuleuse.